la nouvelle danse de l'été que nous venons de vous inventer. Elle va faire un tabac dès le prochain mois, vous ne pourrez pas l'éviter. Le La Hollande aux Pays-Bas, rien ne pourra l'arrêter. Cette chanson-là s'appellera Pala, Pala. Pala, Pala, Pala, Pala, hey. Pala, Pala, Pala, ha. Pala, Pala, Pala, Pala, hey. Pala, Pala, Pala. Pala, Pala, Pala, Pala, hey. Pala, Pala, Pala, ha. Pala, Pala, Pala, Pala, hey. Pala, Pala, Pala. À la télé, on n'entendra pas la pala chanter dans les karaokés. Tout le monde apprendra les pas, super technique de la Corée. Lever un bras, lever l'autre bras, c'est pas facile, faut s'entraîner. Pala, pala, pala, pala, hey. Pala, pala, pala, ha. Pala, pala, pala, pala, hey. Pala, pala, pala. Avec de jolies paillettes, vous nous chercherez dans nos villas pour nous faire vous posséder. À ce moment-là, désolé les gars, on ne sera pas là, pas là. Pas là, pas là, pas là, pas là, hey. Pas là, pas là, pas là. C'est génial. Ouais.